Bienvenue dans votre cyber-revue de presse L'Autre Monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Alors, je m'appelle François Marginal, je serai avec vous pour la prochaine heure et demie. Nous en sommes à l'édition du 9 décembre 2010. Et, chers amis, vous êtes à l'écoute des ondes de Choc FM, la radio officielle de l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, alternative à Montréal et dans le monde. Alors, je vous avais parlé la semaine passée là qu'on arrivait vers la fin de la session et puis c'est effectivement le cas. Ceci est l'avant-dernière émission. Alors, il nous reste une émission seulement la semaine prochaine. Et ensuite, on fait une pause de 3 semaines pour le temps des fêtes et on devrait être de retour dans la semaine du 9. Alors, le 9, c'est le lundi. Alors, 10, 11, 12, ça devrait être le 12, là, si je ne me trompe pas, le 12 janvier, on devrait être de retour avec vous en onde. Alors, soyez du rendez-vous et puis d'ici là, eh bien, passez un joyeux temps des fêtes. Je vais sûrement vous le souhaiter la semaine prochaine de toute façon, mais je le fais déjà ici. Alors, voilà. Donc, cette semaine, qu'est-ce qu'on a au programme? Bien, on a des nouvelles d'actualité, on parle un peu d'état policier, surveillance Internet, on va parler d'économie, on a des changements climatiques, en fait, on pourrait parler de refroidissement climatique. On parlait de WikiLeaks, la situation en Corée du Nord, encore un petit retour sur la TSC, les mesures de sécurité dans les aéroports américains. Et ensuite, nous avons un dossier spécial cette semaine sur le pouvoir israélien. Je dirais plutôt le pouvoir sioniste sur l'État du Canada et qui est en train finalement de mettre à genoux ici même le gouvernement de Harper. Et qui sont en train d'orienter, d'influencer lourdement nos politiques étrangères et nous en perdons notre étiquette d'État neutre, d'État pour la paix. Alors le Canada qui se mêle pas seulement qu'à cause de ça, là, il y a différentes causes, mais on est en train de devenir un État belligérant, un État qui participe à des agressions militaires et des occupations militaires des nations étrangères et qui participe à des renversements de gouvernements démocratiquement élus dans le monde. C'est même le cas en Haïti. Okay? Alors, le Canada qui a participé à un renversement de gouvernement démocratiquement élu de Bertrand Aristide là-bas. Alors, on participe aussi d'une façon indirecte à l'occupation en Irak, au Moyen-Orient et puis directement à celle de l'Afghanistan. D'ailleurs, le président Harper qui a décidé de prolonger la présence des troupes canadiennes en sol afghan jusqu'en 2014, malgré les promesses de se retirer en 2011. Et il a décidé de faire cela sans consulter le Parlement ni la population. Alors, on voit bien ici, là encore là, le résultat hein, de ce qu'appellent eux autres la liberté et la démocratie. Alors, ces deux principes sont en train de s'éteindre Et puis, malheureusement, la population semble ne pas vraiment s'en apercevoir. On dirait qu'on a oublié la saveur de la liberté. C'est quoi être libre? Libre de quoi? Alors, on dirait qu'une fois de temps en temps, on a besoin de se rappeler c'est quoi la non-liberté? C'est quoi la tyrannie? Alors voilà, on est en train de vivre ce mouvement de balancier, si vous voulez, de pendule qui oscille d'un extrême à l'autre. Et puis là, on est en train de passer à un autre extrême. Et puis, on dirait que les gens s'en aperçoivent même pas, alors qu'on a vécu des périodes qu'on regarde tout le temps historiquement comme étant très noires, comme la période des fameux nazis en Europe, juste avant la Deuxième Guerre mondiale et durant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, on se tire les cheveux, on se dit, mon Dieu, c'est incroyable ce qui s'est passé là, c'est vraiment pas drôle, comment ça se fait que les gens ont accepté de telles mesures tyranniques et de répression, et puis on est en train de vivre la même affaire, puis les gens s'en rendent même pas compte. Alors, voilà quoi. Donc, c'est pour ça qu'on est ici, c'est pour signaler ces signaux-là, puis c'est pour attirer l'attention sur ces symptômes de notre société. Des symptômes qu'on ignore et qu'on ignore à nos risques et périls, disons-le. Donc voilà, donc c'est pas mal ça qu'on va toucher cette semaine. Et puis comme je le dis à toutes les semaines, toutes les nouvelles dont je discute ici hebdomadairement, eh bien, se retrouvent sur le site personnel que je gère qui s'appelle Les Nouvelles Internationales, que je vous invite à aller visiter. Alors faites une petite recherche. Sur Internet ou vous allez sur la page là, de l'autre monde, sur le site de Choc FM, vous allez trouver les liens nécessaires. Si vous passez sur Sans-Papiers ou les sites du Québec, bien, vous allez aussi trouver un lien là, vers mon site sur ces pages-là. Alors, il n'y a pas raison de ne pas trouver et d'aller vous informer. Voilà, il suffit de passer à l'action. Oui, il y a un autre monde qui est possible, mais il suffit de passer à l'action, changer son paradigme de pensée et puis changer ses actions pour vivre en intégrité avec notre pensée et nos valeurs, nos principes. Donc voilà, voilà l'introduction officielle à l'émission. Alors, bonne émission, chers auditeurs. Alors, on va y aller maintenant avec les nouvelles. Ça brasse d'un côté et de l'autre. Il y a tellement d'affaires à vous dire. C'est même difficile de savoir par où commencer réellement, là. On va y aller, attendez un petit peu. On va y aller avec l'économie, tiens. On va commencer avec ça. Il y a quelques nouvelles à vous passer très intéressantes et importantes. Alors voilà, nous avons le baril de pétrole qui vient de sauter à 90 $ américains pour des raisons qu'on connaît, des températures froides. C'est la première fois que le prix du baril de pétrole passe au-dessus de la marque des 90 $ en 26 mois. Et maintenant que la température froide s'installe partout, eh bien, on va aider les gens. Donc, c'est très gentil. Il faut remercier ces gens-là. Alors, le prix du baril de pétrole augmente. Alors, c'est excellent. Le timing est parfait. C'est vraiment excellent. Alors, il fait plus en plus froid. Et puis, on augmente les prix de l'énergie. Donc, voilà qui est très conséquent. Nouvelle rapportée par Reuters. JP Morgan, encore là, lui, eux autres, ça c'est la fameuse maison financière, la grande banque des États-Unis, JP Morgan, qui ont déclaré, eux autres, que le prix du pétrole pourrait atteindre jusqu'à 120 $ d'ici la fin, avant la fin de 2012. Alors, ça aussi, là, c'est pour vous réconforter, des nouvelles qui vont vraiment vous faire chaud au cœur à l'approche du temps des fêtes. Alors, j'ai plein de cadeaux comme ça pour vous, hein? C'est vraiment fantastique. Donc, ça aussi, ça va beaucoup aider l'économie, hein, vraiment aussi à se remettre sur pied. Ça va aider les gens à se sortir de la misère. Alors, voilà. Pendant ce temps-là, ben, vous savez, les spéculateurs et puis les pétrolières, hein, les producteurs de pétrole, qui, eux autres, ils vont se frotter les mains, ils vont passer un joyeux temps des fêtes et tout cela avec votre argent. Alors, voilà des taxes cachées qu'on augmente à la pompe. Alors, voilà. Ça, c'est tout le temps bon à avoir en tête, n'est-ce pas? Vous avez aussi un trustee de Madoff, rappelez Madoff, le gros scandale, le Bernard Madoff, l'ancien investisseur qui a fraudé des gens avec une fraude en pyramide de l'ordre de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Alors, vous avez un de ces trustees qui a décidé de poursuivre en cours JP Morgan pour 6,4 millions de dollars. Alors, ces gens-là les accusent JP Morgan d'avoir été au centre même de la fraude de Madoff. Alors, 6,4 milliards de dollars de poursuites judiciaires contre JP Morgan. Ça, c'est rapporté par Bloomberg. Ensuite, on a une nouvelle ici assez intéressante. Vous vous rappelez, les dernières semaines, je vous ai parlé de cette campagne pour faire s'effondrer JP Morgan en achetant une once d'or. Et puis aussi, vous avez la fameuse, là, le fameux appel public de Eric Cantona, hein, qui a appelé pour une protestation contre les banques et puis d'aller retirer son argent. Alors, ça s'est passé dans le courant de la semaine. Et puis, vous voyez, ça, c'est des nouvelles que je trouve quand même intéressantes. Pourquoi? Parce qu'elles, vraiment, elles dénotent à quel point nous avons un effet grandissant. J'observe ça depuis au moins une dizaine d'années. Puis, je peux vous confirmer, chers auditeurs, qu'on a un effet. OK? Quand je dis on, c'est la population mondiale, ceux qui s'informent, la communauté Internet, le mouvement pour la vérité, les truthers, comme on appelle. On a un effet grandissant. J'ai eu une entrevue la semaine passée avec un journaliste de Radio-Canada basé à Edmonton et qui me demandait si le journalisme citoyen menaçait le journalisme professionnel. Et puis, je lui ai répondu qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le journalisme citoyen en tant que tel qui menace le journalisme professionnel des grands médias. C'est en fait un changement de paradigme de la façon dont l'information circule dans la société. Les gens qui prennent part à la nouvelle, qui en parlent, qui l'analysent, et aussi un modèle qui est fini, un modèle corporatif qui est basé sur la nouvelle, les informations qui sont un produit, alors qui sont considérées comme étant un produit par les grands médias, qui nous le vendent avec un grand profit et qui finalement sont soumis à des intérêts capitalistes du marché, donc des intérêts corporatifs, vient bien souvent. Dans la logique de faire du profit. Alors, c'est le profit à tout prix. Alors, la qualité des nouvelles diminue sans cesse. On ne vous rapporte pas la vérité, ou on vous rapporte seulement que des fragments de celle-ci, ou des fois, réellement, on colporte carrément là, des mensonges, de la propagande en pleine TV. Et puis, c'est aussi une des grosses raisons pour laquelle les gens se détournent. Parce qu'en réalité, ils demandent si le journalisme citoyen est une menace pour les grands médias, pour les journalistes professionnels. Et ce n'est pas le cas, parce que nous, ce qu'on fait, c'est tout simplement rapporter les choses telles que nous les voyons avec notre analyse. Alors, c'est pas tant nous en tant que tels qui sommes une menace, c'est le public qui s'est détourné des grands médias. Okay? Même si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est pour la même raison. C'est parce qu'à un moment donné, je me suis aperçu que, en sortant de l'école, quand j'ai commencé à lire par moi-même, quand j'ai commencé à m'informer, quand j'ai commencé à lire des livres, à découvrir l'histoire, eh bien, je me suis aperçu qu'on ne m'avait pas enseigné grand-chose à l'école, que quelques fragments, et puis qu'il y avait même des morceaux hyper importants qu'on ne nous avait jamais présentés, quoi. Alors, on se rend compte que c'est pas vraiment en sortant de l'école qu'on se trouve plus éduqué. Puis là, je parle de l'école, c'est pas juste l'école primaire, ça va jusqu'à l'université, là, OK? J'ai appris des choses dans le système bancaire qu'on n'enseigne pas en 4 ans d'université aux économistes. D'accord? Des choses qui sont tellement importantes que ça se trouve être le cœur même de l'économie. Donc, les gens se détournent, comme je me suis détourné des grands médias, pour trouver la vérité et puis la chercher partout où elle va. Donc, on ne la trouve jamais de façon absolue, sauf qu'on peut s'en rapprocher. Et puis, à un moment donné, après 10 ans de recul, ben, je m'aperçois que les informations que j'ai trouvées dans les médias alternatifs avaient une bien beaucoup plus grande valeur que ce qu'on peut trouver dans les médias. Les médias rapportent quelques fragments, mais on ne relie pas les points dans les médias. Okay? On ne fait pas les liens nécessaires entre certains événements puis certains faits pour mieux comprendre réellement dans le monde dans lequel on vit. D'accord? Alors, c'est pas les journaux alternatifs, c'est pas les médias alternatifs qui sont les bloggers qui sont la menace. C'est les gens qui se sont détournés. Et ils se sont détournés de ces grands médias-là qui ont dominé par le passé. Eh bien, c'est que le problème vient de ces grands médias même. OK? Nous, il n'est pas question de faire des divisions, de guerre ou de dire on est meilleur, on va prendre votre place ou quoi que ce soit. Il y a moyen de contribuer ensemble, de travailler ensemble et puis de renforcer encore cette mission qu'on se donne d'être informé et d'informer. Okay? Parce qu'on comprend qu'une population qui est bien informée est une population forte, une population puissante, bien armée. Vous savez, l'information, c'est le nerf de la guerre et c'est aussi une condition de la prospérité des peuples, des populations, des nations. Alors, quand on essaie de vous abrutir, on est en train d'affaiblir la société, on est en train d'affaiblir la population, le peuple et les individus par eux-mêmes aussi. Alors, je crois que l'équation est assez claire ici. Quand on se pose la question, qu'est-ce que les grands médias veulent et qu'est-ce que les médias alternatifs veulent? Alors, bien sûr que ça ne veut pas dire que tout ce que vous trouvez dans les médias alternatifs est d'une excellence, sauf que vous devez comprendre que ça force les gens justement à fouiller par eux-mêmes et à départager le bon de l'ivraie. OK? Alors, au lieu de vous faire remplir par les grands médias, les gens se responsabilisent et puis ils s'en vont faire leurs propres recherches et démêlent ça et trouvent les informations qui sont nécessaires à la compréhension de leur monde, de leur fonctionnement du monde et ils se bâtissent une nouvelle vision du monde. Alors, c'est ça qui se passe, mes chers amis. Donc, là, ici, comme je vous disais, on a des nouvelles qui présentent une facette de la réalité qu'on ne va pas vraiment vous montrer dans les médias, sauf que ça ressort clairement de la matrice, OK, de toutes les informations qui sortent, et c'est que on a un pouvoir accru qui s'accroît de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois. Oui, on assiste à l'écroulement d'un système, mais on assiste aussi à la venue d'une prochaine génération, d'une génération qui est en train de s'installer, qui est en train de prendre contrôle. Pas contrôle pour le pouvoir, mais juste contrôle pour son éthique de travail, pour ses motivations qui sont plus saines. D'accord? Alors, le but ici, c'est simplement ça, c'est de discuter ensemble, c'est de bâtir une société ensemble, c'est d'être intelligent, d'être bien informé, bien éduqué, connaître son histoire, savoir ce qui se passe dans le monde. Quand les gens s'aperçoivent que les banquiers internationaux, les grands financiers, les spéculateurs, ont fait s'écrouler ce système financier mondial de façon volontaire pour en profiter, puis qui en profitent encore quand le système s'effondre, parce que là, après ça, ils viennent pleurer, puis ils touchent les fonds publics pour se faire rembourser à travers des plans de sauvetage. Que ces gens-là jouent avec la valeur des monnaies, on vole les fonds de pension, on assiste à des mises à pied énormes partout dans un paquet de pays à travers la planète. On détruit les économies, je veux dire. C'est pire que des guerres où on largue des bombes parce que c'est des guerres silencieuses qui font des millions de victimes, qui appauvrissent des dizaines de millions de personnes, qui font en sorte que vous avez des millions de personnes plus qui sont poussées dans la famine et des milliers, c'est pas des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de personnes qui en finissent par en mourir. Des gens qui sont poussés vers la misère parce que ces gens-là n'ont aucun respect, n'ont aucune empathie, aucun sentiment de connexion avec leurs frères et leurs sœurs, et puis n'ont aucune culpabilité de faire s'écrouler des systèmes financiers comme on le vit en ce moment, et après ça, les faire à croire qu'on doit passer à des mesures d'austérité, et puis après ça, prendre l'argent des fonds publics pour créer des fonds de sauvetage, des plans de sauvetage de banques, de banquiers privés, puis d'institutions financières, alors que vous avez des gens qui vivent dans la rue. Des gens qui n'arrivent pas à mettre assez de nourriture sur la table à chaque jour pour nourrir la famille. On ferme des écoles, on n'est plus capable d'entretenir les réseaux routiers, les réseaux de transport, on n'est plus capable de. Le système s'arrête. Alors les gens s'aperçoivent de ça, on est en train de s'apercevoir de qui est l'ennemi. L'ennemi n'est pas extérieur, l'ennemi est à l'intérieur même du système, est au cœur du système. Et puis l'ennemi, la dernière guerre qui reste à venir, c'est le peuple contre les banquiers privés. Les banquiers internationaux privés, ceux à qui on a laissé le soin et le pouvoir de créer la monnaie, on est complètement malade en tant que peuple, en tant que population, d'avoir laissé ces gens-là prendre le contrôle, de même leur avoir donné le pouvoir de créer la monnaie et d'emprunter notre argent à ces institutions privées-là, alors qu'on pourrait le faire nous-mêmes avec une banque qui appartient au pays, qui appartient au peuple. D'accord? Donc, c'est ça qui est en train de se passer. Donc, les appels comme Eric Cantona, ce n'est que des symptômes de ça. Okay? C'est une facette de plus qui vient s'ajouter, qui montre qu'il est en train de se passer une révolution. Il est en train de se passer un changement de paradigme de la pensée, une révolution invisible. Dans certains pays, elle commence à être visible. Je veux dire, on a des voitures renversées en Grèce qui sont en feu, là, OK? Donc, on a des signes qui vont être plus ou moins grands. Mais en général, c'est un grand changement de paradigme qui est en train de se passer dans la pensée, dans la conscience des gens. La conscience est en train d'évoluer. Et puis ça, il n'y a pas une armée au monde, il n'y a pas un État policier, il n'y a pas un État de surveillance, il n'y a pas un État de Big Brother, de caméra, de surveillage de vos courriels ou quoi que ce soit qui peut arrêter ça. C'est impossible d'arrêter ça. C'est en cours depuis plusieurs années et ça s'amplifie de façon exponentielle en ce moment. Et l'élite le sait, ils ont peur du peuple, ils sont découragés par ce qui se passe, sont en retard dans leur agenda. Et puis malgré toutes les nouvelles que je vous déblatère ici à chaque semaine, qui peut paraître lourd, qui peut paraître comme on perd la guerre ou quoi que ce soit, même si les signes nous montrent le contraire, moi je vous dis arrêtez pas là, parce qu'on est en train de remporter une grande, grande victoire, ce n'est pas en train de gagner la guerre. J'aime pas parler de guerre, on devrait parler de paix. On remporte la paix. Peut-être que c'est ça qu'il faudrait dire. On veut vivre la paix. On en a marre de la guerre. Ça suffit, la guerre, les conflits. Ça va faire. Ça va faire. Les psychopathes qui mènent la société, qu'on a laissé mener la société, parce que là, c'est pas en coupant les têtes ou ben non, en mettant la ville à feu et à sang, hein, qu'on va régler nos problèmes. Ce n'est pas en tuant la tête du roi, mais en gardant l'image, ce sentiment d'autorité, de pouvoir pyramidal à l'intérieur de notre corps, de notre cœur, de notre esprit, de notre âme, qu'on va gagner. C'est en tuant la tête du roi dans notre esprit, dans notre âme, dans notre cœur. Il faut passer, changement de paradigme, mes chers auditeurs. C'est en train de se passer, donc il faut surtout, mais surtout pas arrêter, surtout pas arrêter, surtout pas à ce moment crucial-là. Alors, vous avez cette élite qui tremble et vous avez plusieurs signes. Ici, une nouvelle du Examiners qui montre que vous avez les services de machines de distribution d'argent, les fameuses ATM, les machines là, de distributrices, hein, les guichets automatiques qu'on arrive avec notre petite carte là, hein. Alors, vous avez la Banque d'Irlande qui ont vu ces consommateurs affectés par apparemment un problème technique qui a fait en sorte que les gens avaient un problème à accéder à leurs services Internet et de téléphone et aussi leurs services bancaires. Ce qui a fait en sorte que ça a entraîné une restriction du service de l'argent que les gens pouvaient retirer à ces guichets automatiques. Ah ben regardons, ça c'est spécial. La journée même où Éric Cantona avait appelé pour une protestation de la banque et demandé aux gens de retirer tout l'argent qu'ils avaient en banque. Oups, soudainement, en Irlande, oups, les guichets automatiques connaissent un problème technique. Les gens ne peuvent pas aller retirer plus qu'un certain montant d'argent. N'est-ce pas incroyable? J'imagine que c'est une coïncidence. J'imagine que c'est une coïncidence. Alors, vous avez différentes nouvelles qui concernent ce truc-là. Vous avez aussi l'appel de Cantona qui a créé une alarme, si vous voulez, qui a causé l'alarme à sonner chez les banques françaises ou même dans l'État français. Alors, vous avez des ministres français et des banquiers qui ont averti les gens que l'appel d'Éric Cantona, qui est l'ancien footballeur du Manchester United, d'appeler les gens à retirer leur argent des banques pourrait propulser la France dans un chaos économique. Alors, ça aussi, c'est intéressant. OK? Vous devez comprendre que c'est déjà un chaos. Et pourquoi c'est déjà un chaos? Ben, c'est parce que vous avez des banques centrales privées qui contrôlent le pouvoir d'émettre la monnaie publique à intérêt, avec intérêt, qui est déjà un système en pyramide et qui éventuellement doit s'effondrer. C'est bâti dans le système même. Le chaos qu'on voit en ce moment n'est pas la cause, n'est pas causé par le peuple. Okay? On va essayer de vous faire croire que c'est à cause de nous, que l'État dépense trop aussi, que les gens dépensent trop, s'endettent, nanana. Okay? Alors, le chaos qu'on voit en ce moment n'est pas la faute du peuple, qui, lui, a le droit inhérent de retirer son argent des banques à n'importe quel temps qu'il le souhaite. Le chaos, c'est la faute des banquiers qui profitent de cette pyramide, de ce système en pyramide, Et quand il s'effondre, eh bien, il demande aux gens de payer pour leur banqueroute, hein, pour leur perte. Ça, c'est ça qu'on fait ici à l'Autre Monde, c'est de la rectification de ce que ces gens-là mettent à l'extérieur, leurs commentaires, la façon qu'ils procèdent. Alors, on essaie de démonter les boulons de cette propagande-là et de vous présenter les choses telles qu'elles sont réellement. Nous avons Chris Wallen ici. Vous avez une vidéo assez intéressante à aller voir où il explique qu'on comprend que The Bank of America a un problème. Hein, c'est une des autres grandes banques aux États-Unis et qui sont proches de la banqueroute. Okay? Alors, vous avez un clip absolument incroyable à aller voir ici. Vous avez plusieurs citations. Écoutez, ça va pas bien là, dans ces grandes banques-là, là. Vous savez, la Californie qui risque de faire défaut sur sa dette. Vous avez des nations européennes qui sont en train de faire défaut sur leur dette. On ne connaît pas de croissance. Vous avez les quantitative easing, comme on appelle, les assouplissements financiers, quantitatifs, les assouplissements quantitatifs qu'ils appellent, hey, les mots. C'est comme le latin quand vous aviez l'Église catholique, hein, qui vous arriviez avec le prêtre qui parlait latin, personne ne comprenait, puis là, il disait les messagers de Dieu. C'est la même affaire. C'est ces fameux experts-là qui arrivent avec des gros mots de 252 mètres de long, qui ne veulent dire qu'une chose en réalité, c'est qu'on imprime de l'argent comme de l'eau. OK? L'assouplissement quantitatif. Voyons donc, c'est quoi ce mot-là? On imprime de l'argent comme de l'eau. On dévalue la valeur de la monnaie. On détruit la valeur de vos économies. Si on dévalue la monnaie de moitié, c'est toutes vos économies d'une vie qui vient de descendre, qui vient de perdre la moitié de sa valeur. Vous comprenez ça? Là, on est en train, comme je parlais la semaine passée, de voler les fonds de pension pour sauver le système financier qui a été endommagé volontairement par les financiers. Wow! C'est sûr qu'à un moment donné, il va se passer de quoi quelque part. C'est déjà en train de se passer. Vous avez des révolutions, des protestations partout en Europe. Et ça s'en vient en Amérique, ça s'en vient, c'est sûr. Donc, vous avez ces assouplissements financiers-là. On crée de l'argent, on imprime de l'argent comme de l'eau. Et puis, ça, tout ce que ça cache est une subvention. C'est de l'argent qu'on va donner aux grandes banques. Le Bank of America est dans la pire situation de toutes les banques aux États-Unis. Après ça, vous avez JP Morgan qui suit pas loin derrière. Vous avez la situation en Irlande. On parlait du plan de sauvetage qui a été accepté en Irlande. Attendez de voir l'Espagne, le Portugal s'écrouler. Si vous pensiez que l'Irlande, c'est une grosse affaire, attendez de voir l'Espagne. L'Espagne s'en vient. Là, cette semaine, on a appris des nouvelles qu'on a un problème aux États-Unis avec l'imprimerie des billets de 100 $. Alors, on a imprimé des séries et des séries. En fait, on en a imprimé juste légèrement un peu plus de 1 milliard de billets de 100 $ américains qui apparemment ont un problème. Alors la Fed a été obligée de mettre sous quarantaine plus de 1 milliard de ces billets de 100 $ après qu'on a découvert cette erreur d'imprimerie qui rend ces billets-là sans valeur. Alors faites le petit calcul rapidement, là, ça veut dire qu'on a 100 milliards de dollars qui a été mis de côté par la Fed dans un gros coffre-fort parce que là, on a un problème d'imprimerie. Apparemment, c'est ce qu'on nous dit, là. Moi, je pense que ça cache de quoi d'autre. Il va sûrement y avoir de quoi qui va se développer là-dessus dans les semaines à venir, puis je vais vous tenir au courant. Sauf que on sait que la Fed a décidé de réinvestir 600 milliards de dollars de plus, hein, donc d'imprimer de l'argent qu'on appelle l'assouplissement quantitatif. Et on a la preuve là, hein? Donc on imprime de l'argent, on imprime de l'argent. Hey, 100 milliards de dollars, 100 milliards de dollars. Selon les chiffres que j'ai vus là dans différentes nouvelles, là, on apprend que finalement 100 milliards de dollars cash comme ça là, c'est pas loin de 10% de toutes les billets en circulation dans le monde. Dollars américains, on parle. Non, c'est pas des petits chiffres qu'on parle. Comment ça se fait que ces gens-là ne se sont pas aperçus avant qu'ils impriment 1 milliard de ces billets-là qui avaient un problème? Ça a pris quoi? 1 000 billards d'imprimés? 1 milliard, soit 1 milliard de billets d'imprimés avant de se rendre compte qu'on avait une erreur d'imprimerie. Voyons donc, il y a quelque chose qui cloche là-dedans, là. Une nouvelle assez spéciale. On a appris cette semaine, la Fed a été obligée, la Fed qui est privée, la Banque centrale aux États-Unis, a été obligée la semaine passée à révéler à qui elle a prêté de l'argent avec ses plans de sauvetage. Hein, ils avaient refusé jusqu'à maintenant, ils s'étaient même fait demander dans des enquêtes publiques de révéler à qui ils avaient prêté de l'argent. Et ils avaient refusé. Alors, comme Banque centrale qui est censée être au service du peuple, là, vous avez exactement ici la représentation de ce qu'elle est. C'est une banque privée qui n'en a rien à foutre de la population. Ils ne sont pas là pour aider la population, pour sauver l'économie, pour faire en sorte que les gens aient plus de travail, hein, pour assainir, les protéger contre les fraudes financières catastrophiques et énormes qui déboulent les unes après les autres depuis les dernières années. On a appris même de la bouche d'insider, je crois même de Bernanke, vous avez aussi l'ancien de la Fed, Alan Greenspan, hein, qui ont révélé qu'on a des fraudes monumentales en ce moment dans l'économie, particulièrement américaine, dans le système financier, dans le système bancaire, et aussi que la Fed n'est pas là pour aider le peuple, mais est là pour remonter les marchés financiers, pour protéger la bourse, les investisseurs, les spéculateurs, les banquiers privés, Wall Street, OK? Ils sont là pour se servir eux-mêmes. Et là, on a appris la semaine passée à qui et combien d'argent la Fed a prêté de l'argent. Depuis l'an 2000, le dollar américain a perdu 33 % de sa valeur. On est en train de découvrir les vrais coûts cachés de ces plans de sauvetage-là. La Banque fédérale, la Réserve fédérale, la Fed aux États-Unis, a fait environ 9 trillions de dollars en prêts à court terme et très court terme à seulement 18 institutions financières. Là, vous devez comprendre ce chiffre-là, 9 milliards, parce qu'on ne vous dit pas ce chiffre-là dans les médias. On vous parle de quelques centaines de milliards de dollars. Là, j'ai dit 9, j'espère que j'ai dit 9 trillions, chers auditeurs, parce que j'ai l'impression que je viens de dire 9 milliards. C'est 9 trillions de dollars, c'est 9 000 milliards de dollars. Hein. Donc, dans les médias, on vous parle seulement de quelques centaines ou de quelques milliers de milliards de dollars. Mais en réalité, quand on cumule tous les prêts, parce que vous avez eu des banques qui ont emprunté, ont remboursé, emprunté, remboursé, alors quand on les additionne tous les prêts qui ont été faits, le chiffre total se chiffre autour de 9 trillions de dollars ou 9 000 milliards de dollars, si vous préférez. Vous voyez, on nage tellement dans des chiffres ridiculement hauts, élevés, que même en français, on n'a même pas les mots pour l'exprimer. On est encore en train de jongler, à savoir si on appelle ça des milliers de milliards de dollars ou des trillions comme en anglais. Je crois que c'est plus clair. À un moment donné, quand on parle de 1 000 milliards, parlons de trillions, pourquoi pas. Hein? Certains, apparemment, que la langue française a voulu apporter le mot « billion » pour représenter « trillion » en anglais, mais ça apporte une confusion incroyable parce que « billion » en anglais, c'est des milliards. Alors, si on dit billion en français, ça veut dire des trillions. Là, on est tout mélangé. Alors, je le répète si souvent à l'autre monde, surtout pour les nouveaux arrivants. Quand je parle de trillions de dollars, on parle de 1 trillion vaut 1 000 milliards de dollars. Alors, on a prêté cet argent-là à qui? On a prêté cet argent-là à des banques comme Goldman Sachs, hein, à JP Morgan. On a prêté ça à une quantité d'institutions financières américaines. On a passé ça aussi à qui? À des banques étrangères. Des banques étrangères. Alors, depuis le 27 octobre 2008 et jusqu'à aller en 2009, donc le 6 août 2009, la Fed a dépensé 350 milliards de dollars des payeurs de taxes américains pour sauver 35 banques étrangères. On parle ici de des banques comme UBS, Dexia, BNP. Alors, oubliez les mots comme sauver ou reconstruire des plans de sauvetage. Les banques européennes qui avaient acheté des sécurités backé par des hypothèques, hein, donc comme la subprime qui s'est effondrée, qui a entraîné l'effondrement de l'économie en 2008-2009. Vous avez une quantité de banques européennes qui avaient acheté de ce papier commercial qui ne vaut absolument rien, qui était vendu par Wall Street. Et quand c'est devenu clair que ces papiers étaient frauduleux, qu'on avait revendu plusieurs fois les mêmes hypothèques de façon complètement frauduleuse et criminelle, signifiant que ce papier-là avait été revendu et revendu dans différents paquets d'investissements, dans différents véhicules financiers. Bien, vous avez les banquiers européens qui ont menacé de rendre cette fraude publique. Et on a menacé la Fed et les États-Unis de révéler toute la vérité à propos de ça, sauf s'ils étaient remboursés. Okay? Alors, c'est à ce moment-là que la Fed est intervenue et puis a commencé à déverser des trillions de dollars qui étaient considérés pour être des prêts pour repayer le peuple américain, mais qui finalement s'est dirigé vers des institutions financières étrangères pour racheter ce mauvais papier commercial à des banques comme le Crédit Suisse, la Deutsche Bank et une quantité d'autres institutions financières européennes. Des choses quand même assez spéciales, n'est-ce pas? Alors, vous avez au total comme ça énormément d'argent, des trillions de dollars qui sont partis vers des mains. Alors, vous avez les payeurs de taxes américains qui ont financé et participé à des plans de sauvetage de banques étrangères qui sont à l'extérieur de leur pays. C'est incroyable. Vous avez des gens qui n'ont pas d'ouvrage, qui sont sans maison, qui sont dans la rue, qui ont faim, qui sont affamés, alors que les banquiers privés, eux autres, pouvaient être sauvés, hein, de leur propre spéculation. Ce sont des gens qui aiment gager. C'est comme des gens qui s'en vont au casino. Et puis quand ces gens-là tombent, il faut les sauver, mais on ne sauve pas les Américains. Donc c'est quand même assez spécial, là. Ça, c'est une des grosses nouvelles de la semaine. La Fed qui a ouvert ses livres, révélant que des mégabanques européennes ont été en fait les plus gros bénéficiaires de ces plans de sauvetage. Alors, vous allez trouver là un paquet d'informations par rapport à ça. C'est très important que vous alliez vérifier ça. Parce que là, ça aussi, là, c'est une des grosses briques qui est en train de tomber du mur et puis qui est en train de contribuer à l'éveil de la population. On se rend compte à quel point que ces gens-là sont des criminels, des terroristes financiers. Des terroristes financiers. Des plus hauts criminels. Bien plus dangereux que des tueurs en série, là. Ou n'importe quelle autre fraude, OK? Même Madoff, Bernard Madoff, c'est un pique-nique, c'est une farce comparée à ce que ces gens-là sont en train de faire. Bernard Madoff, c'est une histoire de 60-70 milliards de dollars. Là, on parle de trillions de dollars. On n'a même pas un mot en français pour l'exprimer. C'est tellement d'argent là qu'on pourrait aller en mettant des billets d'un dollar, un empilé sur les autres, là, on pourrait se rendre à la Lune pour revenir avec. Comprenez-vous là l'idée de grandeur? Je veux dire, c'est incompréhensible pour l'esprit. Le mental, il n'est pas capable de comprendre ça. Des trillions de dollars, voyons donc, des trillions. Donc, des nouvelles très intéressantes et très importantes dans l'économie. Vous avez des dettes de différents États, comme on parle ici de l'État d'Illinois, qui sont sur le bord du gouffre, OK? Donc, c'est des États qui sont en train d'être sur le bord du gouffre. Vous avez même la ville de New York, Newark, qui est obligée de mettre à la porte 13% de sa force policière la semaine passée. On n'a plus d'argent. On a arrêté de payer pour certaines transplantations d'organes pour des gens qui sont même dans le programme de Medicaid là-bas. On n'a plus d'argent. Ça, c'est en Arizona. Vous avez l'État d'Illinois qui a de la misère à payer ses factures pour garder les écoles ouvertes, les services sociaux aussi. On dit que l'année prochaine risque d'être encore pire. N'est-ce pas incroyable quand on voit toutes ces choses-là s'accumuler, s'additionner, l'effet combiné qui est en train de ressortir, quand je vous dis qu'on est encore sur le bord d'une deuxième vague immense, un tsunami, une deuxième phase de la crise financière, je vous le dis, la tempête parfaite se pointe à l'horizon. Vous avez toujours ça couplé à des millions de coupures dans toutes sortes de programmes de bénéfices pour le chômage, okay, les gens qui sont sans emploi. Je vous dis, préparez-vous, préparez-vous. Il y a quelque chose qui s'en vient. Je vous le dis, ça fait des semaines, ça fait des mois, je vous dis, il y a quelque chose qui s'en vient. Vous avez même l'armée aux États-Unis qui se prépare, fait des exercices militaires pour se préparer dans le cas d'un soulèvement social ou tout simplement d'une brisure, vraiment d'un effondrement de l'économie à large échelle. Vous avez l'armée aux États-Unis qui ont tenu des séries d'exercices de guerre qui ont été nommés The Unified Quest 2011, qui regarde une variété de possibilités de réaction face à différents problèmes qui pourraient arriver aux États-Unis, comme une économie qui s'effondrerait à grande échelle à l'intérieur des États-Unis. Okay? On est en train de se préparer pour différents scénarios de soulèvement social et de désordre à l'intérieur du pays. Et aussi pour dealer avec un pouvoir global fragmenté qui pourrait drastiquement diminuer les budgets. Okay? On parle des budgets sociaux, hôpitaux, éducation, transport, etc. Alors, vous voyez, le gouvernement américain est clairement en train de mettre en place des plans pour dealer avec des scénarios. Hein, des scénarios de pire cas, comme on pourrait dire, des scénarios où tout s'effondrerait, non seulement l'économie, mais aussi les systèmes sociaux et politiques. Ça, c'est des faits, chers auditeurs, c'est des faits. C'est en train de se passer, là. Vous avez le fait qu'ils sont en train de changer, le système pour faire en sorte, ça a été rapporté par le Washington Post, que la Fed est en train de changer les choses pour faire en sorte que les propriétaires de maisons aient plus de difficultés à se battre et à réclamer de l'argent dans le cas de la fraude des reprises des finances aux États-Unis. Hein? Eux autres, quand ils fraudent, ben, c'est pas compliqué. Au lieu de rentrer en prison, ils changent les lois. Hein? Donc, c'est comme ça fonctionne. Donc, c'est à peu près ça pour l'économie. On va faire une petite pause, puis on va se retrouver après la pause pour la mise au point des dernières nouvelles de la Corée du Nord, Chine, les États-Unis, WikiLeaks, refroidissement climatique et la TSA. Down my window, double story from my ground, from a hammock down my tree and into Melbourne town. The first stop, Pitt Canal, tip to Tesco land. To down that shot with two shoes and a magic hand. Now it's a plan, it's flamenco turnstile. Down shaking, there's a jazz jam, and Julie's got the whole joint baking. And anyone who's faking gets a quick annihilation as we're moving destinations on the music train station. Singing on and on and on. On and on and on. Check it out, a Mr. Askey's song. Cause he's a late sevens captain on the mic, but blows the horn so fierce that the room ignite. It's like a shuffle, got us thinking about doing a download. So where we go, we take the night, get stopped for the Cabroni show. And here's the point, I stop reciting, start to dance instead. I heard the city of the deep blue lights, it said. Now get the party started. It wasn't hard. To get the party started. Chilling at the club, pimping with my money. But actually, my parties are more like chilling in the sun with tea and milk and honey. Tea and lemon tons, that's my idea of fun. But I do enjoy the odd occasional bottle of rum, as we learn in the songs that I have previously sung. When it's done with fruit juice at a barbecue in the sun, if the afternoon is begun with kangaroo and capsicum, I do eat meat, but I don't like killing. So don't crash my party while I'm sitting back chilling. My, why are people so violent? I ain't trying to be a lion. I extend my alliance to anyone who likes to just kick back and chit chat. Et voilà, vous êtes de retour à l'autre monde, François Marginat. Au micro, vous venez d'écouter la chanson de Party Started de Cat Empire. OK, alors on va y aller maintenant. Écoutez, Corée, Nord du Sud, des Chine et États-Unis, ça continue de brasser là-bas. On a mené des exercices militaires au large de la côte coréenne. On est en train d'énerver la Chine. J'en avais parlé les semaines passées, alors je vous réfère à ces émissions-là pour avoir tous les détails. Vous avez les États-Unis qui se sont joints à des exercices militaires navals sud-coréens. Et aussi, on a tenu des... en fait, on va tenir un autre exercice militaire qui va s'appeler Keen Sword. Alors, des drills militaires qui vont être tenus avec le Japon cette fois et qui vont être les exercices militaires de plus grande ampleur entre ces deux pays jamais tenus. Imaginez, juste quelques jours après que les forces américaines et sud-coréennes se sont joints pour faire augmenter les tensions le long de la péninsule coréenne. On continue hein, d'augmenter la tension là-bas. On est en train de provoquer la Chine de façon indirecte, ça c'est certain. Et on ne fait rien en sorte pour amener le calme et la paix. Tout ce qu'on fait, c'est exacerber les tensions qui sont déjà en place. Et il y a fort à se poser comme question, savoir si c'est même ces provocations-là, on parle de l'échange armé qu'il y a eu là, il y a une dizaine de jours entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, s'ils n'ont pas été provoqués volontairement justement pour créer un conflit. Là, on sait que les États-Unis cherchent un conflit, une nouvelle guerre, que ce soit en Corée du Nord ou en Iran, ou sur la pointe arabienne, là, dans le coin du Yémen. On cherche le conflit. C'est pas bien compliqué. Là, vous avez même l'Amérique du Sud. Là, vous avez des effectifs militaires déployés dans la mer des Caraïbes, autour d'Haïti, en Colombie, au Costa Rica aussi. On a amené une flotte incroyable là-bas. On aimerait bien attaquer le Venezuela de Hugo Chavez. Ça, c'est un autre foyer à garder à l'œil aussi. C'est pas parce qu'on n'en parle pas que ce n'est pas en train de se passer, que ce n'est pas important. C'est simplement qu'on manque de temps ici pour traiter toutes ces nouvelles. Très, très, très, très important. Vous avez ces fameux exercices militaires qui sont en train de se passer en ce moment même, qui ont commencé le 3 décembre et qui vont se terminer le 10, demain. Et on voit qu'il apparaît que les États-Unis font tout ce qu'il est en leur pouvoir pour provoquer la Corée du Nord militairement. Et on sait que la Corée du Nord et sous l'aile de la Chine. C'est la Chine qui, finalement, est le grand-père, si on veut, de la Corée du Nord. C'est eux autres qui leur disent quasiment quoi faire, là, je veux dire. Ces deux-là sont liés ensemble. Et là, on est en train d'assister à la mise de l'étincelle aux poudres. Hein? Donc, on est en train de voir là, qu'on veut mettre les étincelles à la poudre et faire exploser le tout. Hein, pourquoi? Ben, il y a différentes raisons qui peuvent être considérées. C'est que le gouvernement américain est sur la marge, si on veut, de l'insolvabilité. Okay? On est en train de faire banqueroute aux États-Unis. On sait qu'on ne va jamais être capable de rembourser les milliards de dollars qui sont empruntés de la Chine et qui sont en train de conduire des guerres illégales et immorales sans fin et que ça coûte énormément d'argent, énormément cher. La Chine a refusé de réévaluer sa monnaie lors du dernier sommet du G20, ce qui a frustré les États-Unis au plus haut point. La Russie et la Chine ont maintenant abandonné le dollar dans leurs échanges bilatéraux. Vous avez la secrétaire d'État Hillary Clinton qui a fait le tour de l'Asie centrale hein, ces derniers jours, et qui s'est arrêté au Kazakhstan, au Kyrgyzstan et puis en Ouzbékistan. Alors, vous allez voir, si vous avez même un lien vers une carte. Alors, vous allez voir si on n'est pas en train de faire du shopping hein, pour finalement installer de l'équipement militaire ou des bases militaires, des capacités en avance d'un potentiel conflit militaire contre la Chine. Ça peut sembler complètement délirant, quand on entend ça comme ça, surtout si on ne suit pas l'actualité mondiale, ben je vous dis, il n'y a rien de délirant là-dedans. On est en train de mettre les pions sur l'échiquier en conséquence. Et on ne déplace pas des effectifs militaires et on ne fait pas des deals comme ça si on n'a pas un plan d'avance. Okay? Il n'y a rien qui se passe à ce niveau-là par hasard. La Corée du Nord qui donne aussi un prétexte aux Américains de maintenir leurs alliances militaires contre la Chine et la Russie avec le Japon et d'autres nations qui encerclent ces deux nations. Ça justifie aussi de maintenir la présence militaire américaine sur les bases en Corée du Sud, au Japon, aux Philippines, en Thaïlande, même avec les ententes avec Taïwan. Alors, ça aussi, ça fait en sorte que ça justifie notre présence militaire tout autour de la Russie et de la Chine. Alors qu'on avait beaucoup de protestations dans plusieurs pays pour fermer ces bases militaires américaines, quand on amène des gros porte-avions avec des forces incroyables tout autour de la Chine, c'est que on est en train de jouer, hein, de planter un bâton dans l'œil de la Chine. Hein, on est en train de piquer la Chine, carrément là. Donc, allez voir ça, des nouvelles absolument importantes. Okay? Ensuite, au niveau de la TSA, ben, vous avez seulement qu'une petite nouvelle ici que je voulais vous révéler, c'est que vous avez d'autres scientifiques qui, des scientifiques en radiation, okay? Donc des gens qui sont vraiment spécialisés dans ce domaine-là, qui sont d'accord avec le fait que les scanners de la TSA, les scanners corporels pornographiques dont je vous parle depuis plusieurs semaines, peuvent effectivement causer des cancers, dont les cancers du sein et des mutations dans le sperme des hommes. Alors, une nouvelle qui a été rapportée par Natural News. Une importante nouvelle à aller voir. Ensuite, dans le cas de WikiLeaks, ben écoutez, il y a encore, j'essaie de ne pas en parler chaque semaine, mais il y a tellement des nouvelles qui sortent à ce niveau-là, donc vous allez trouver encore des petites nouvelles. J'essaie de restreindre le volume des nouvelles à ce niveau-là parce que pas mal tout a été dit dans les semaines précédentes. Sauf qu'il y a tout le temps des choses intéressantes qui continuent de sortir et puis je devais vous les mettre en lien. Donc là, ce qu'on apprend ici cette semaine de plus important, vous avez quelques nouvelles là, qui vraiment là, tentent de confirmer et puis de démontrer le fait que WikiLeaks, ce n'est qu'un autre mensonge, c'est-à-dire que c'est un pot de miel. On présente certaines informations qui semblent choquantes, hein, qui semblent donner de la crédibilité à toute l'opération, et on y glisse quelques pièces de désinformation, de mensonges, de propagande qui servent un agenda particulier. Et plus ça avance, plus il est évident que ça sert un agenda, je dirais, sioniste et anglo-saxon. Donc, on essaie de se peindre en victime alors que c'est tout le temps pratique, hein, d'avoir l'air d'une victime, un peu comme le cas de Julian Assange, hein, sur lequel on a lancé un mandat d'arrestation d'Interpol et qui vient d'être arrêté hier pour des charges de viol, d'agression sexuelle. Alors, on le peint comme ça en victime. Et puis, ça l'attire la sympathie des gens qui ne sont pas bien informés, qui pensent que ce gars-là est de notre côté, qui est en train de faire mal au gouvernement. Et puis, ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous êtes en train de tomber directement dans le piège. Est-ce que ça fait en sorte que les consciences se réveillent? Certaines personnes vont dire, « Ouais, mais ça réveille quand même des gens, là. » Ouais, ça réveille des gens. Sauf que c'est comme si je te disais que ça réveille les gens quand vous mettez les doigts dans une trappe à souris. Ah, ça va vous réveiller. C'est ça, pour vous réveiller, ça va vous réveiller, sauf que vous risquez de faire bien mal. Donc, je veux dire, WikiLeaks, là, c'est une opération qui semble de plus en plus piloter des... on appelle ça des PSYOPs, okay? Des opérations psychologiques militaires ou des services secrets, qui servent énormément en ce moment à l'agenda israélien, et en quelque sorte celui anglo-saxon. Pour continuer de faire en sorte qu'on peint ces gens-là comme victimes, hein? Donc, hein, vous savez, la loi, on dit ne faites pas telle affaire et les gens vont faire exactement l'opposé. Alors, c'est comme ça qu'on est en train de vous manipuler. Là, vous avez le gouvernement, une agence du gouvernement qui a averti ses employés, c'est la Social Security Administration, qui a averti ses employés de ne pas fouiller WikiLeaks, que ça pourrait être une offense criminelle. Ah, OK. Alors là, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Hein? On essaie de bannir les gens, de dire aux gens, là, allez pas voir ça, c'est oh non, allez pas voir ça, c'est vraiment pas beau cette affaire-là. Qu'est-ce que vous pensez que les gens vont faire? Ils vont faire exactement le contraire. Ils vont aller voir ces trucs-là. Et puis c'est comme ça qu'on crée, si vous voulez, toute cette on tente de mousser cette affaire-là, hein, de cette façon-là. Oh, Julien Assange, là, Julien Assange qui vient d'être arrêté, là, ça crée de la publicité. Apparemment que le gouvernement il dit de ne pas aller voir ça. Parce que là, c'est pas beau. Hey, là, les gens vont se dire, si le gouvernement dit de ne pas aller voir ça, c'est parce qu'il y a plein d'affaires à voir. Hein? Fait que là, les gens vont aller voir ça, puis ils pensent que là, c'est crédible. Ils pensent que Julian Assange puis Wikileaks, c'est de notre côté. Hein? Faites attention. Vous pourriez vous tromper gravement. Peut-être que je ne peux pas vous convaincre que c'est une opération de type de puits empoisonné. On empoisonne l'eau. Néanmoins, ce que j'aimerais faire, c'est vous dire... Vous êtes-vous posé la question honnêtement et objectivement avant d'embarquer et de croire tout ça? Soyez honnête intellectuellement. Soyez prudent intellectuellement. Posez-vous des questions. Est-ce que ça, il n'y a pas de quoi qui cloche en dessous de ça? Est-ce que vous trouvez vraiment que ça a du sens, toute cette histoire-là? Fouillez un peu plus vos enquêtes. Parce que je vous dis, il y a anguille sous roche avec cette histoire-là. Vous avez le Homeland Security, je vous parlais la semaine passée, qui a fermé plus de 70 sites de domaines Internet pour apparemment des brèches dans les copyrights. Alors, si Wikileaks est une si grande menace pour la sécurité nationale, voulez-vous bien me dire comment ça se fait qu'on n'a pas tout simplement fermé le site de Wikileaks? Hein? Surtout que Julian Assange avait averti des mois à l'avance qu'il était pour révéler ces trucs-là. Voyons donc. Ils prennent pour des caves, n'est-ce pas? Alors, allez voir ça, vous avez plusieurs nouvelles là-dessus. Vous avez même le Pentagone qui a étiqueté le journaliste Julian Assange de cyberterroriste qui a forcé justement le mandat d'arrêt à Interpol. Ah ben, regardons ça, toi. Oh, wow, t'es un terroriste, hey. Voilà, alors, j'espère qu'au moins j'ai réussi à piquer votre attention par rapport à ça. Et que vous commencez à vous poser des questions. Comme par hasard, tous les médias ont embarqué dans cette histoire-là aussi, hein? Ça aussi, c'est un autre signe. Tous les médias se sont mis derrière ça. Ah, hey, oui, Wikileaks, oh mon Dieu, c'est terrible, le gouvernement est gêné, nanana. Ça fait mal. Voyons donc. Depuis les quelques dernières années, toutes les fois qu'il y avait des nouvelles vraiment importantes à sortir, quand on parlait de torture, quand on parlait d'uranium appauvri qui utilisait des armes chimiques, l'attentat terroriste d'Israël d'attaquer un bateau d'aide humanitaire en eau internationale, les médias sont pas là. On parle pas du 9-1-1. Les médias ont de la misère à parler de la fraude du réchauffement climatique causé par le CO2. Puis là, soudainement, là, ça les intéresserait Wikileaks. Voyons donc. Donc, le gouvernement, la réaction gouvernementale et la réaction des médias, elle parle trop. C'est trop évident. Anyway, écoutez, là, on apprend dans une nouvelle ici que le fondateur Julian Assange aurait des liens avec The Economist, alors qu'il est contrôlé par la famille Rothschild. Alors, ça, c'est peut-être un autre lien à suivre. Vous avez un ancien général pakistanais qui a, lui, déclaré que les rapports de Wikileaks se retrouvent à être manipulés ou à être ont pour source le Mossad et la CIA. Alors, voilà. Lui, il dit que ça fait partie d'une guerre psychologique américaine et israélienne. Alors, une autre nouvelle qui parle de ça. Ici, une autre nouvelle qui parle de façon très intéressante que Wikileaks est utilisé pour justifier un genre de Patriot Act, une législation pour l'Internet. Alors ça aussi, je vous en parlais la semaine passée. Là, vous avez le sénateur Mitch McConnell qui a appelé Assange un terroriste high-tech, okay, sur NBC Meet the Press dimanche dernier, qui lui a déclaré que Assange n'a pas violé la loi, mais que la loi devrait être changée. Alors voilà, on est en train de vous préparer à ça. Alors voyez là, oups, là, les pièces du casse-tête sont en train de se mettre en place. OK? Vous avez un article ici qui a été écrit par Zen Gardner qui a exposé comment Wikileaks ressemble à une création de l'establishment. Et l'article pointe en direction d'une ligne qui se conformait très bien avec le paradigme de l'élite qui est problème, réaction, solution, une méthode qui est utilisée de façon très efficace avec une solution pour plus de tyrannie pour notre sécurité. Ah ben, regardons, même en fait comme la TSC. Très intéressant, allez voir ça. des articles que j'ai sortis qui vraiment valent la peine. Alors, Julien Assange qui a été arrêté pour apparemment des motifs de viol. Alors, c'est un autre truc de publicité, OK? Un autre truc de publicité. On est en train d'en faire un héros de contre-culture. On est en train de vous présenter de façon désespérée Julien Assange, comme étant une victime pour essayer de booster son image publique et sa crédibilité, mais qui, en fait, vend de la propagande pro-israélienne et anti-iranienne. Les charges de viol sont une vraie farce quand vous regardez comment ces choses-là ont été montées. OK? C'est assez spécial, cette histoire-là. Là. Vous devez considérer que le juge original qui a monté ces charges-là, c'est-à-dire qu'il a pensé que ces charges-là manquaient de mérite, OK? Donc, on a rejeté le cas en premier lieu. C'est déjà arrivé il y a quelques mois qu'il était accusé de ça, là, OK? Alors, le juge, lui, le premier qui avait traité ce dossier-là, avait pensé que les charges manquaient de mérite et qui s'apparentait à une revanche qui était prise par deux femmes qui voulaient la gloire être connues publiquement et qui ont été très fâchées lorsque Julianne les a abandonnées. Alors, les deux femmes ont écrit des messages Twitter. Alors, vous connaissez Twitter? Envoyé des messages Twitter se vantant finalement d'avoir fait un paquet d'affaires avec Julianne Assange. Un genre de comportement qu'on ne peut pas vraiment comprendre venant de deux supposées victimes de viol. Okay? On ne se vanterait pas d'avoir fait des activités avec Julianne Assange si ces deux femmes-là avaient été vraiment violées par lui. Et vous avez une source ici qui documente tout ça. Vous avez une de ces deux femmes-là qui s'appelle Arden, qui est une militante féministe qui avait déjà publié sur un blog en poussant les femmes à prendre une revanche sur un homme et de le faire souffrir. Vraiment spécial. Quand on commence à vraiment fouiller, là, on découvre des affaires, je vous dis. Là. Alors, les charges de viol contre Assange, là, moi, je vous dis, c'est un mythe. C'est une autre histoire fabriquée de toutes pièces pour essayer de le peindre comme une victime, comme un héros de contre-culture, comme quelqu'un de notre côté. Alors, il est temps de questionner la véracité de tous ces documents-là, de toutes ces histoires-là, OK? Avant de tomber dans le piège des propagandistes. Donc, allez voir ça, l'histoire de sexe, ça l'attire tout le monde. Ça a l'air vraiment d'un soap opera, hein, d'une émission là, de grand tirage là, à bas niveau de... qu'on voit à la télévision. Je veux dire, c'est vraiment incroyable. Bon, une histoire incroyable. Alors, plusieurs nouvelles par rapport à ça. Là, c'est tout pour Wikileaks. Avant de partir pour une autre pause, ben écoutez, on va en terminer avec les nouvelles des changements climatiques. Et puis après la pause, on va faire quelques nouvelles de l'actualité aussi. On va parler de ce pouvoir sioniste qui est en train d'engloutir le Canada vivant. Alors, les changements climatiques, écoutez, vous avez le sommet à Cancun là, qui s'ouvre d'une façon assez étrange encore là. Alors, vous avez le Japon qui a refusé de prolonger le protocole de Kyoto. Alors, ça, c'est déjà un clou important là, dans le cercueil de cette histoire-là. Alors, on sent de plus en plus d'opposition à prolonger le protocole de Kyoto qui pousserait les pays les plus riches du monde à couper dans leur émission de CO2. Une autre histoire complètement débile. Histoire de CO2, je veux dire, c'est assez incroyable. Ça a l'air que les scientifiques japonais qui travaillent avec les intérêts des compagnies japonaises ont décidé de dire au gouvernement japonais que la fameuse science des réchauffistes n'a absolument aucune, zéro, niazada, aucune évidence à présenter, à soutenir la théorie, les allégations selon laquelle le CO2 cause des réchauffements climatiques. Il y a aussi une autre facette de ça, c'est que ces fameuses coupures-là vont évidemment fragiliser et risquent de ruiner tous les efforts de raviver l'économie très fragile au Japon. Ce que le Japon et le gouvernement japonais n'ont vraiment pas besoin. Et c'est le cas de plusieurs nations aussi dans le monde. Vous avez même des prières, c'est assez spécial. On a ouvert le sommet de Cancun, là, qu'on appelle COP16, qui a commencé avec des prières pour la déesse de la déesse de la lune Mayenne. Alors, on fait des appels au dieu Maya. Incroyable. C'est spécial. On a besoin d'aide pour vendre notre propagande. Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Donc, c'est assez spécial, là. Je veux dire, je pense que ces gens-là consomment un peu trop de tequila au Mexique en ce moment. Ces gens-là, à force de manger du caviar, de boire du champagne, de la tequila, ça finit, tu sais, par brûler quelques neurones. Alors, les nouvelles ont continué de débouler cette semaine. C'est incroyable. Il fait froid partout. Berlin qui fait face à des records de froid depuis le mois de décembre. Alors, ça a été rapporté par les services météorologiques de l'Allemagne. On est en train de se préparer à battre le record de décembre le plus froid. On a les changements climatiques, là, les fameuses aides aux changements climatiques risquent de coûter aux Britanniques plus de 2,9 milliards de dollars sur 4 ans. Alors, voilà comment que finalement on absorbe, on enlève cet argent-là de la main du peuple, là, puis on va redistribuer dans les pays les plus pauvres. Alors, ça a été aussi admis dans différentes nouvelles au cours de la semaine, très importantes. Que c'est effectivement le but, c'est effectivement l'idée derrière toute la taxation, le CO2, c'est une redistribution de la richesse forcée. On veut tout simplement taxer les gens pour redistribuer l'argent et gérer ça dans les mains de l'élite internationale. Alors, ça, vous allez voir ça, Global Warming à Moscou, vous avez 64 personnes qui ont souffert d'hypothermie à cause des engelures, le froid, il fait extrêmement froid à Moscou. Ça dure depuis le 28 novembre. On a des températures très froides aussi en Norvège. On a battu des records qui dataient de 222 ans. Imaginez, 222 ans. Okay? Record de froid au Danemark, le plus froid en 131 ans. Ben non, juste ça, 131 ans. Rien là. Hein? Des records qui dataient là, de dates aussi éloignées que 1879 et 1890. Un autre record ici qui a été battu, qui datait de 126 ans, dans une autre ville qui s'appelle le Fano. Okay? Une autre nouvelle de BBC, c'est qui parle des températures très froides qui sont en train d'affecter l'Europe du Nord. On a 18 personnes qui sont mortes en Pologne à cause de ces expositions au froid. Donc, allez voir ça. Buffalo, New York, qui ont eu au-dessus de 50 cm de neige, un autre 25 à Montréal. Vous en avez partout ici en Angleterre des nouvelles qui parlent d'un hiver très difficile, des tempêtes de neige à New York, les résidents qui ont fait face à des blizzards. Fort Lauderdale, ça c'est en Floride, record de froid pour un 7 décembre. Un record qui n'a pas été vu depuis 169 ans. Imaginez, là. OK? Réchauffement climatique, mon œil, là. L'Europe qui se bat contre le froid, 40 personnes sont mortes. Alors, ça, c'est les nouvelles du refroidissement climatique. OK? Donc, allez voir ça. Ça, c'est les nouvelles du réchauffement climatique. Hein? Le réchauffement climatique, hein? J'ai un bizarre de mal de gorge. Alors, on va faire un petit bout d'actualité très rapide et puis après ça, je vais vous parler un peu de ce que je parlais, là, de cette histoire de pouvoir sioniste qui est en train de mettre la mainmise sur notre pays, le Canada, qui est en train de convaincre, qui est en train de faire de Harper. En fait, je crois que Harper n'a pas l'air à trop s'y refuser non plus. Ça semble être un lobby de plus en plus puissant au Canada. Qui ont des influences énormes sur plusieurs niveaux, autant au niveau de la politique étrangère que ce qui se passe ici à l'intérieur du pays. Alors, ça, c'est un sujet qui est vraiment très important. Et puis, malheureusement, d'émission en émission, je manque de temps pour vraiment décortiquer ça en détail. Il nous en reste une la semaine prochaine. J'essaie de couvrir le plus de terrain cette semaine en espérant de pouvoir se libérer pour pouvoir plus détailler ça. Donc, on va y revenir, je vous le promets. Il y a énormément d'informations à divulguer à propos de ce sujet-là. Mais avant tout, allons-y avec quelques nouvelles rapides là, de l'actualité qui sont quand même assez importantes. Je vous ai mis une photo ici, une vue panoramique de ce qu'avait l'air Hiroshima après le bombardement atomique de la place. Alors, ça, c'est une photo assez particulière en panorama. Vous allez voir que tout a été soufflé. Une photo vraiment un peu effrayante à voir, mais à garder dans vos archives. Alors, je vous ai mis ça en lien sous la rubrique Actualité. Aux États-Unis, on a eu un vote sur un projet de loi qui s'appelait le S-510 sur supposément la sécurité alimentaire. Alors, un projet de loi qui est maintenant, on a voté pour en réalité, puis après ça, ça a été refusé parce qu'il y avait des technicalités qui n'ont pas été respectées. Alors, c'était en fait des genres de nouvelles taxes qui étaient incluses dans ce projet de loi-là qui, selon la Constitution américaine, doivent être initiées seulement par une législation de la des représentants, quoi, de la Chambre des représentants. Alors, ça a été refusé, sauf que ça va sûrement revenir à la charge. Et puis, malheureusement, ce qui se passe avec cette histoire-là, c'est que, vous savez, on est en train de rendre aux États-Unis la culture, donc maraîchère, c'est-à-dire d'avoir des jardins même pour cultiver sa propre nourriture. On est en train de rendre ça illégal aux États-Unis. Ça, c'est assez inquiétant. Puis vous allez trouver une série d'arguments, d'articles dans cette série cette semaine parlant du fameux S-510. Alors on voit comment quand même des votes du Congrès ont été achetés par des industries privées. Vous avez même un congressiste qui s'est exprimé lors du vote alors que son micro est encore ouvert. Il ne le savait pas et on l'entend raconter à une autre congressiste, une autre représentante, comme quoi que les votes ont été complètement pipés, ont été arrangés. Finalement, ces trucs-là sont passés, même si on dit que c'est voté, on s'aperçoit que les votes sont truqués, soit truqués d'une façon ou d'une autre, qu'on les achète ou que tout simplement on ne laisse pas le temps aux représentants de lire ce que ces projets de loi représentent. Alors, on a appelé ça le Food Safety Modernization Act, le S-510. Et puis, ce qui arrive, c'est qu'on est en train de rendre illégal non seulement de faire pousser des légumes, de la nourriture dans son propre jardin, mais aussi d'en faire l'échange ou d'en vendre. Alors, ça semble aussi assez délirant comme nouvelle. Et puis, honnêtement, j'ai pris bien du temps avant de comprendre, de m'y faire, de vraiment réaliser qu'on peut en arriver à ce point-là. C'est assez hallucinant aux États-Unis qu'on est rendu que vous avez des magasins de produits organiques qui reçoivent la visite de la police. Vous avez d'autres États qui ont interdit de collecter l'eau de pluie. Alors, dans plusieurs États aux États-Unis, vous avez la collection de l'eau de pluie qui est rendue illégale par les gouvernements, imaginez. Et puis, vous avez ce bill-là qui arrive. Alors, finalement, c'est vraiment la tyrannie qui s'installe, qui vous empêche de finalement cultiver votre... De faire pousser votre propre nourriture pour faire en sorte que vous deveniez dépendant des grandes chaînes alimentaires, des grands semenciers comme Monsanto et compagnie. Alors, ça, c'est de quoi d'absolument paniquant. Allez voir ça. Ça va sûrement revenir à la charge. On va obliger, finalement, ça va mettre fin à la souveraineté des États-Unis de produire sa propre nourriture. Okay? Alors, on va devoir se plier à l'Organisation mondiale du commerce. On va aussi faire en sorte que ça va mettre toute la nourriture aux États-Unis et puis toutes les fermes américaines sous le Homeland Security puis le Département de la Défense dans l'éventualité d'une contamination. Vous avez aussi, ça va imposer le Codex Alimentarius sur les États-Unis, donc un système global de contrôle de sa nourriture. Ça va aussi permettre au gouvernement, sous la loi maritime, de définir l'introduction de n'importe quelle nourriture dans le commerce comme étant un acte illégal, okay? Même de vente entre individus de nourriture. Donc, lui, il fait pousser ses tomates, il vend ça à son voisin, illégal. Alors, imaginez, c'est assez particulier. Alors, il y a plusieurs aspects comme ça qui font en sorte que finalement, ça enlève le pouvoir des gens de pouvoir produire de façon indépendante leur nourriture, d'enlever ces droits-là, ces protections constitutionnelles de tous les citoyens du pays et puis de les rendre sujets aux tribunaux corporatifs qui ont un pouvoir illimité, disons-le. Réellement, là, c'est de quoi d'assez inquiétant. Alors, allez voir ça. Nouvelle très, très importante cette semaine. Ensuite, il y a quelques nouvelles états policiers qui font dresser les cheveux sur la tête. Alors, là, vous avez rapporté par le Daily Mail Reporter une nouvelle qui nous apprend que l'armée américaine a des nouveaux fusils maintenant pour l'armée qui utilisent des balles qui sont radio-contrôlées à distance et qui font en sorte que les munitions peuvent être détonées à distance, c'est-à-dire qu'on tire une balle et puis si on sait que notre ennemi Ben, on sait, parce que vous avez un calculateur, vous avez une visée, un petit truc électronique là, qui est dans le fusil et qui est capable de mesurer à quelle distance exactement la personne qu'on essaye de tirer se trouve. Mettons qu'elle se trouve à 300 mètres. Et bien là, on lance, on tire, on lance la balle. Et puis quand la balle, elle arrive exactement à 300 mètres de distance, elle explose au-dessus de la personne, pouvant ainsi l'atteindre. Alors, des nouvelles armes, on appelle ça le fusil, le XM25. Allez voir les nouvelles sur ça, c'est assez paniquant. La Chine qui a décidé de financer les raffineries à Cuba à l'ordre de 6 milliards de dollars. Alors, vous voyez là, la Chine qui commence à faire des ententes commerciales un peu partout, même à Cuba. Alors, vous voyez que le fameux boycott américain de Cuba est en train de vraiment leur nuire énormément parce que c'est tous les autres pays qui vont faire des ententes commerciales et puis surtout avoir accès au pétrole cubain parce que il y en a du pétrole au large de Cuba. Ensuite, vous avez la majorité des Américains qui croient que le gouvernement américain n'opère plus à l'intérieur des limites et des permissions de la Constitution américaine. Alors ça aussi, c'est assez intéressant. Vous avez une majorité des Américains, 44%, qui maintenant croient que le gouvernement n'agit plus de façon légale et de façon constitutionnelle. Alors, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de gens qui commencent à se réveiller. Obama aussi qui a travaillé avec les Républicains pour tuer les enquêtes sur la torture qui a été autorisée par Bush. Alors, vous voyez que l'administration Obama protège l'administration Bush dans les cas les plus graves, les situations les plus importantes, comme celle de la torture. Alors, ça aussi, ça a été rendu public. Ensuite, on a un cas assez spécial dans les rues de Philadelphie où on a la police qui a déjà procédé à plus de 253 000 interceptions jusqu'à date là, de personnes pour les fouiller et 20 000 personnes ont été placées sous arrestation. C'est un nouveau programme qu'on a mis en place dans les rues de Philadelphie qu'on appelle Step by Step vers la tyrannie. Alors, vraiment, l'étape par étape vers la tyrannie. C'est comme ça qu'on pourrait l'appeler. C'est assez inquiétant. Vous avez une vidéo à trouver là-dessus. Donc, c'est une personne sur six qui est ainsi interceptée à Philadelphie. C'est assez hallucinant, là. Ça veut dire aussi que 92% de ces interceptions fouilles l'ont été alors qu'aucun crime n'avait été commis. C'est-à-dire que là, on est en train de mettre en place là, un genre de paradigme là, où on veut que la population au complet soit terrorisée. On les met dans un état de peur. On est en train de réinstaurer le fameux vos papiers, s'il vous plaît, là, de l'Allemagne nazie. Où on surveille votre identité à tous les coins de rue. Si vous n'avez pas vos papiers, on peut vous mettre en prison. Alors, on est rendu là aux États-Unis. On est vraiment rendu là. Vous allez trouver toutes ces nouvelles-là en lien. Il y en a plusieurs autres aussi. On va parler surtout de l'Internet la semaine prochaine, des réseaux électroniques, okay, les communications électroniques qui sont très inquiétantes. Vous avez Obama qui a appointé un ancien homme de Monsanto pour être la tête de la FDA, donc celle qui la Food and Drug Administration aux États-Unis. Alors, vous voyez qu'il y a des portes d'aller et retour entre l'industrie privée et les portes du gouvernement. Alors, après ça, on se demande pourquoi ça se fait que le gouvernement ne travaille que pour les intérêts privés. Alors, voilà des raisons pourquoi. Ensuite, vous avez une nouvelle assez surprenante ici qui vient du New York Times où on apprend que dans la ville de New York, on déploie des ambulances maintenant pour collecter les organes des victimes. Alors, vous avez des accidents qui se produisent. Et puis là, maintenant, on vient de. Ça a l'air d'un film de science-fiction totalement, réellement, là, complètement hallucinant, là. On va avoir deux ambulances qui vont se promener à New York en répondant aux appels du 911 et qui vont essayer de sauver les vies de ceux qui sont impliqués dans des accidents ou quoi que ce soit. Et puis, quand on va juger que ces gens-là ou que les. Qu'on ne réussira pas à réanimer les personnes. Alors, ça repose tout simplement sur un jugement complètement subjectif. Quand on va juger que la personne soit prête à s'en sortir, on va décider sur place de prélever les organes directement. Alors, ça c'est assez hallucinant, là. Alors, qui va prendre cette décision de juger qu'une personne ne pourra pas s'en sortir? Alors, toute la question repose là. L'affaire est vraiment une dérive complètement débile. Vous savez, les agents fédéraux aussi aux États-Unis qui suivent les Américains, qui surveillent les Américains sans mandat, sans ordre de la cour. Et puis, on surveille toutes leurs allées et venues, on surveille tous les courriels, on surveille les communications téléphoniques. Et on apprend maintenant dans une nouvelle ici du Wired qu'on surveille aussi les cartes de crédit en temps réel des Américains. On les suit en temps réel. Surtout les cartes spécifiques là, de loyauté, là, comme les cartes de voyage, les cartes de loyauté de différents magasins. Alors, on peut surveiller toutes les dépenses en temps réel sans avoir d'ordre de la cour. OK, alors ça a été révélé dans les nouveaux documents relâchés par le gouvernement. Ça aussi, là, vous voyez là, que c'est assez invasif comme programme. Et vous avez aussi un autre article ici qui parle que les conducteurs vont maintenant faire face à des tests aléatoires pour savoir s'ils ont bu ou s'ils sont sur des drogues. Alors, on donne à la police maintenant de plus en plus de pouvoirs, des pouvoirs d'arrêter les gens, un peu comme vos papiers, je parlais un peu plus tôt, d'arrêter les gens tout simplement, sans aucune raison, sans aucune preuve probable. Et zap, on arrive, on arrête ces gens-là, on installe ce climat de peur où la police peut vous arrêter à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison, et vous inculper de n'importe quoi à n'importe quel moment, sans que vous puissiez vous défendre. Alors, il y a des nouvelles comme ça, il y en a énormément, c'est assez inquiétant. Vous avez même plus de 230 magasins de Walmart aux États-Unis qui maintenant ont lancé un nouveau programme qui s'appelle Si vous voyez quelque chose, rapportez-le. En anglais, c'est If you see something, say something. Alors, c'est une nouvelle campagne qui va impliquer jusqu'à un total de 588 Walmart dans 27 États qui vont joindre ce programme dans les prochaines semaines. Et puis, qu'est-ce qu'il y en est? Ben, c'est qu'on va demander aux gens de finalement devenir comme dans le temps de l'Union soviétique ou les Stasi ou quoi que ce soit, d'introduire ce nouveau principe de rendre la population espionne. Alors, tout le monde devient un espion de tout le monde. Tout le monde vit dans la peur d'être espionné puis d'être dénoncé au gouvernement. Alors, ça, c'est vraiment excellent pour les élites, pour l'autorité, pour le gouvernement, de faire en sorte qu'on terrorise la population puis qu'on les maintient dans la peur. Tout le monde se la ferme. Personne ne veut parler. Dès que vous dites de quoi de travers, zap, vous avez peur de vous faire dénoncer, puis quelqu'un vient vous chercher en plein milieu de la nuit, vous sortez de votre maison et que vous disparaissiez dans un réseau de prisons secrètes. Alors, ça, c'est la vraie raison pour qu'on fait ça. Et maintenant, c'est en train de se passer aux États-Unis, dans les Walmart, imaginez. Alors, vraiment capoté. Et le gouvernement qui a été forcé de rendre public aussi des documents sur des programmes d'espionnage. Alors, plus de 900 pages de pages de documents gouvernementaux américains. Qui font référence à des programmes de surveillance et qui suggèrent que le gouvernement a violé finalement la vie privée des citoyens américains de façon systématique. Alors, ça continue, ça continue. Alors, allez trouver ça dans les nouvelles de la semaine les plus importantes. Et en ce qui concerne le pouvoir sioniste israélien, ben écoutez, ça aussi c'est assez particulier. Vous savez, en France, on a déclaré que l'appel au boycott d'un pays ou de ses produits d'Israël, par exemple, est maintenant interdit sous peine d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Ça a été, j'ai une nouvelle ici de Libération, qui est assez particulier aussi parce que si vous vous rappelez bien, avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, c'est un article du Daily Express ici qu'on a en photo, où on lit dans le journal, la Judée déclare la guerre à l'Allemagne. Hein? Alors, on avait le pouvoir juif financier dans le temps était vraiment insulté qu'on avait mis en place un système qui finalement fonctionnait à l'extérieur je dirais des institutions financières, du système bancaire actuel qu'on le vit, donc à Wall Street et puis à Londres. Et puis, on avait instauré la monnaie travail. Et puis, à ce moment-là, quand on fonctionne dans ce système-là, on met de côté, puis c'était bien le but aussi des fascistes, c'était de se retrancher, d'enlever l'influence des banquiers internationaux. Et puis là, quand on touche à ce sujet-là, comme je parlais en début d'émission, donc c'est une façon de bien boucler l'émission. C'est que quand on touche aux banquiers privés et à leur système et qu'on essaie de s'en sortir, on va vous attaquer. On va vous attaquer de la façon la plus virulente. Saddam Hussein essaie de le faire. L'Iran essaie de le faire. On essaie de les attaquer. Tous les pays qui essaient de le faire, on essaie de les attaquer. L'Allemagne a essayé de le faire. L'Italie a essayé de le faire. Et puis, à ce moment-là, toutes les fois qu'on essaie de se sortir de ce système de dette fractionnaire bancaire, contrôlé par les banquiers privés, écoutez, ça, c'est pas parce qu'on est antisémite ou quoi que ce soit, mais ça se retrouve que plusieurs d'entre eux, dont la famille Rothschild, sont juives. Alors, c'est pas, je sais que ça sonne typique, ça sonne démonisation, antisémitisme et puis quoi que ce soit. Et puis, c'est pour ça qu'on essaie de mettre en place des mesures du contrôle de la pensée. Alors, on est en train de faire en sorte en France, en Europe, même ici au Canada, de faire en sorte que même la critique légitime et totalement normale des politiques complètement débiles de l'État d'Israël soit passée pour de l'antisémitisme. Alors, même si on critique l'État d'Israël, on ne parle pas de juifs ou quoi que ce soit, on parle juste des politiques qu'ils mettent en place, qui sont meurtrières ou quoi que ce soit, on se fait traiter d'antisémites. Alors, c'est vraiment au point où on en est rendu. Et puis, ces gens-là, par contre, ils se permettent, eux autres, de déclarer la guerre à l'Allemagne. Hein? Donc, eux autres, ils ont fait ça dans le passé. Mais par contre, nous autres, on veut critiquer les politiques israéliennes. Et bien là, on se fait traiter de... on se fait traiter d'antisémites, on se fait traiter de terroristes, de quoi que ce soit. Alors ça, c'est une lourde tendance. Ici au Canada, vous avez Harper qui a continué de donner son support inconditionnel à Israël. Il est même sorti dans les médias en disant que là, peu importe ce qu'Israël ferait, nous autres, on était pour être derrière. En fait, on est tellement derrière Israël qu'on a même assumé sa fonction diplomatique en Amérique du Sud, dans un des pays qui ont refusé de garder l'ambassade israélienne ouverte. Alors nous, on s'est rendu qu'on représente les Israéliens dans certaines ambassades. L'Israël a attaqué le Liban, a attaqué la Palestine, a fait des milliers de morts, a utilisé des armes chimiques, des armes de destruction qui sont interdites par la loi internationale. On a attaqué des gens qui étaient sur un bateau d'aide humanitaire en eau internationale. Et le Canada a décidé de poursuivre dans sa lancée, le gouvernement Harper, de soutenir Israël coûte que coûte, peu importe si ce sont des lois internationales qui sont brisées. Alors ça veut dire de quoi? C'est très lourd de message. Et ça veut dire que maintenant, le Canada est en train de se faire subvertir par la force sioniste. Et ça se retrouve partout. Vous avez même Biden aux États-Unis qui a déclaré que les États-Unis supporteraient Israël et que cela doit continuer à tout jamais. OK? Alors, voyez un peu là, ce qui se passe. L'Ottawa Sun aussi qui supporte Harper en mettant même Israël avant le Canada. C'est-à-dire que la priorité maintenant aussi au Canada, ce n'est pas de prendre soin des intérêts canadiens. Maintenant, c'est de prendre soin des intérêts israéliens avant même les intérêts canadiens. OK? Alors, on est en train de faire la même erreur que les Américains ont faite. Et c'est en train de se passer maintenant ici. Alors, c'est assez paniquant, OK? Donc, on est en train de parler d'un nouvel antisémitisme au Canada pour justement instaurer ce genre de police de la pensée, pour faire peur aux gens, pour faire en sorte que les gens ne discutent pas des actes criminels et immoraux que Israël commette. Alors, on a le droit de le faire avec tous les autres pays du monde, on n'a pas le droit de le faire avec Israël, ce qui est vraiment un double standard complètement honteux et hallucinant. Alors, on peut blâmer le Congo de faire ça, on peut blâmer l'Indonésie de faire ça, on peut appeler un boycott des produits russes, si on veut, mais on ne peut pas toucher à Israël, coûte que coûte. Okay? On dit même que, de la bouche de Harper, on parle des droits humains, ou si les droits humains ne seraient pas antisémitiques. Alors, vraiment hallucinant, OK? On dit que il a déclaré que la persécution des Juifs est devenue un phénomène global et que des idéologies antisémitiques sont en train de cibler le peuple juif, même à la maison en Israël, et qu'ils utilisent le langage des droits humains pour faire porter atteinte à ces Juifs. Alors, Harper est en train de nous dire que même qu'on défend les droits humains, OK, donc comme Israël qui décide d'exécuter des gens en eau internationale, ou bien non, qu'on instaure un état d'apartheid contre les Palestiniens et qu'on les maintient dans la famine, selon même des documents déclassifiés israéliens, on a décidé de mettre en place scientifiquement un programme pour maintenir juste sur la fine ligne de la famine les Palestiniens. Donc, on parle de punition collective qui est interdite par la loi internationale, qui est un crime contre l'humanité. Alors, même de dire ces choses-là sur la place publique, maintenant, peut vous mériter l'étiquette d'être un antisémite, de vouloir persécuter les Juifs, OK? Alors, complètement débile de voir ça. Alors, Harper qui est en dérape totale, on peut même pas parler de droits humains. Alors, parler des droits humains, c'est être antisémite selon notre premier ministre ici au Canada. Imaginez. Alors, allez voir ça. C'est quelques documents que je vous ai mis en lien. Et puis, je vais continuer à en parler la semaine prochaine. Je suis loin d'être rendu au bout de mon rouleau avec ça. Il y en a beaucoup de choses à dire et puis à décortiquer avant que la police de la pensée soit instaurée de façon complète ici au Canada, comme ça l'est en train de se passer en Europe et en France particulièrement. Alors, Stephen Harper qui accuse les Canadiens d'être des antisémites, c'est complètement capoté, OK? L'art de se dégager de ses responsabilités et de mettre la faute sur les autres. Ça, c'est l'art des Canadiens, du gouvernement canadien, de la gang des conservateurs, complètement vendus à la droite, pro-sioniste, évangélique. Alors, voilà. C'est tout, nous autres, là, pour cette semaine. On se retrouve pour la dernière émission de la semaine, de la saison, la semaine prochaine. Et puis, on va finir de vider ce dossier-là. Je suis désolé si, d'émission en émission, là, je vous dis que je vais le faire. Je manque réellement de temps. Mais gardez courage. Ça va se passer la semaine prochaine avant de partir à Noël. Ça, c'est sûr. Alors, moi, je vous salue bien bas. C'était François Marginal pour L'Autre Monde. Portez-vous bien. Ciao!